D'une présence à Brahim, élégie, par Eric Arasim. J'ai reçu le ciel, j'ai reçu le ciel sur les épaules, comme un plafond en mille éclats brisé sur la tête. Une émouvante nouvelle en plein cœur, brutale. J'ai reçu le ciel comme une épreuve du temps. Pour la première fois, une lourde relique à saisir, à subir, à gravir. Elle m'a brisé la face, m'a dévasté. Aux yeux des hommes de poussière, aux yeux des âmes consumées, du feu divin qui dessèche l'écriture sans calame, aux portes du sérail se dévoile, au levant, Sidi Boubekeur, l'ébauche misérable où tu naquis. Regarde ses yeux de confiance, compatissants, remplis de douceur. Écoute ces voix venues d'Oujda, chant lancinant de douleur. Des femmes au youyou, ces pleureuses qui te regrettent, sincèrement, d'une vie de tendresse à rompre les chaînes des apôtres en fuite et des prophètes. Nous ne sommes que peu de choses, ou plutôt rien, absolument rien. La fin du silence va sonner. Une cour vide sans récréation, les enfants ont fui. Le glas lentement rythme l'atmosphère. Notre école est en ruine. Ravissement de ce bel édifice face au désert. Il est temps de se souvenir, tu n'es pas parti bien loin. Toi, le soufi, au soir d'une existence abrégée, nous viendrons te visiter si ce n'est déjà fait. Dans nos esprits, ta présence dansera, le long des murs tortueux, dans ce refuge de joie, où poussent les menthes monotones qui jalonnent les chemins caillouteux. Échappée indiscrète dans les dédales du moyen Atlas, tout sourire, tu nous observes en plein après-midi, sans voile ni ambages. Visite impromptue. Ton visage n'est qu'un sanctuaire enduit de chaux blanches au milieu de l'oued. Mirage de grand froid, comme les mausolées éternels sur le bitume brûlant, tatoué au henné. Ta face est tournée vers l'Orient, paraît-il. Je ne peux plus la voir que dans les songes ou sur les terrasses de Fès, au détour nocturne de nuit sans sommeil. Nerveuse, des fragments apparaissent soudainement immortels. Au-delà de l'oubli, ta silhouette arabesque, par ce voyage prématuré, ton double en zélige, tu ne seras jamais un vieillard, mais une simple brebis, ne connaissant plus la douleur, mais l'unique délivrance, de l'ange au poing serré qui veille sur toi. Cet exil forcé vers les ombres qui nous guettent, pour se saisir toujours de l'instant sublime, par-delà la tristesse. Violence d'un monde auquel nous nous raccrochons, éperdument, presque par illusion et en toute ignorance. Un jour, l'ami, je te rejoindrai. Texte composé et rédigé par le poète franco-belge Eric Arasim. Le 10 février 2019, en hommage à son ami, l'artiste plasticien d'origine marocaine, Brahim Bachiri, trop tôt disparu. Ici se termine D'une présence à Brahim, élégie, par Eric Arasim. Enregistré par Christiane Jehan, sous licence CC BY NC ND.